T'es venu accompagner maman ou Je suis venu avec ma mère, oui, et mon petit frère, et mon père. C'est les parents qui sont le moteur de manifester ou ça te semble important de manifester? Moi, ça me semble important, mais pas un dimanche en tout cas. Et puis, pour moi, oui, c'est important, mais pas spécialement les dates. Donc, je trouve qu'on devrait faire ça plus souvent ou en tout cas chaque jour un peu y penser plutôt que faire une date qui, au final, signifie pas grand-chose. Voilà. Est-ce que tu as appris cette histoire? Oui, je l'ai beaucoup appris par mon père. Et je l'entends souvent, mais tous les jours un peu. Et tu comprends ce qu'elle représente pour tes parents? Oui, quand même. Parce qu'ils ont quand même dû vivre dans une époque où ils ont dû se battre à cause de leurs origines. Et puis voilà, quoi. Moi j'ai des facilités dans le monde et c'est grâce à des gens comme Lumumba. Voilà. Donc c'est une histoire quand même importante pour ma vie. Ça nous concerne tous parce que c'est l'histoire de la lutte d'un homme pour la justice. Donc c'est important. Surtout dans la société de maintenant qui commence un peu à arrêter de se battre pour ses droits justement et qui se laisse couler dans l'indifférence. Alors c'est important de prendre pour exemple ceux qui ont lutté pour les droits, donc les Lumières de la Révolution française ou toutes les grandes luttes d'indépendance des années 60. Donc oui, moi je trouve que c'est important pour tout le monde, belge ou congolais, ou de toutes les origines même. Et c'était un leader très radical avec le couteau entre les dents ou comment est-ce que tu le vois cette façon de lutter? Non, il n'était pas radical du tout. Il était vraiment très fort dans les idées plutôt que. Je dirais pas qu'il n'était pas dans l'action, mais il était vraiment beaucoup dans l'action pacifique et dans les débats. Et donc oui, ça nous montre que les mots, parce que les mots ont quand même plus de force que le glaive, même si il est parfois indispensable d'utiliser la force. Il fallait l'indépendance, mais l'indépendance, elle s'est passée. Il fallait, pour que l'indépendance ait été complète et que le Congo ait pu devenir un bon pays, il aurait fallu que les Blancs restent, développer les infrastructures du pays indépendant et partent. Et justement, après l'assassinat de Lumumba, les Belges ont fait ce qu'ils accusaient Lumumba de vouloir faire, c'est qu'ils sont partis, ils ont déserté le pays. Et donc non, ils ne voulaient pas s'opposer vraiment aux Belges, ils auraient pu lancer après un rapport d'égalité avec eux. Mais... ils ont eu la réaction qu'on connaît, donc voilà.